Anything. Non, il est encore là. Baladé sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi Franck, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler quand tu joues du piano. You know this song? The French song. You know this? Le refrain. La la la la la la la la la la la. Aux Champs-Élysées, pa la pa pa pa. Aux Champs-Élysées. But it's is it 32? Just a minute, il faut voter 32. Could you vote please? Ti da da ta da da da ta di da da ta da da da ta da da da da da. Yes, the drum is perfect. It's a perfect drum. Ah, on est en 32. Could you vote? BPI. BPI. BPI. 10 to BPI. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi. Je te... C'est quoi le nom derrière? I want to be free? Ok. Ok, ok, ok. Ok. I want to be free. Ok, ben, bah, Queen. Je crois qu'il veut chanter I want to. Non, I want to break free. Non? I want to break free. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Bah, je suis en train de chercher I want to break free. Est-ce que je l'ai? Merde, il y a un problème de temps. Thank you.